Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Zamba lolae, Zamba Bible, oyo nga na tale la kae, oyo na bonde la ka, na tale la yo utabo mwana na ngayo, na yebye ko simba, Yesu zawapi, olo binde nini. Mille merci Jésus, my God. Aïe, Zamba lola, Zamba Bible, oyo nga natale la kaye, oyo na bonde la kaye, natale la yuta bo mwana na ngayo, na yebye ko simba, Yesu zawapi, olo binde nini. Dans la course de la vie, personne ne peut mettre Dieu en premier et terminer en dernier. Bishop David Yodebo, chapelle des vainqueurs. Tango zamba ko tombola ngayo, nanya ko kitisanga. Tango zamba ko kangola ngayo, nanya ko kanganga ye. Tango zamba ko salisa ngaye, nanya ko pekisa ye. Tango zamba ko gerire ngaye, nanya ko belisa ngayo. Les pères des orphelins et les maris des veuves, c'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. My God. Tango zamba ko vandizanga ya ya, nanya ko telemizanga. Tango zamba ko konsole ngaye, nanya ko lelisanga. Tango zamba ko benire ngayo, nanya ko modire ngaye. Tango zamba ko besanga, nanya ko botolanga ya ya ya ya ya. La vie est tellement complexe que celui qui a tout pour réussir peut échouer, parce qu'il n'est pas organisé. Révérend Espérance Mbaka Imangembo. Ni kamamwe komi mwa irisha no banayoka. Papa na mama yiziba kenda. Azika la sene, na luke tote. Nda kwa nangate kumuteo. Nazala kakaka zena yo zambalola. N'entre pas dans le champ des orphelins, car l'air vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Yeah. Il paraîtrait la louange et aussi le mouvement du corps. Dansez comme vous voulez. On y va. Sogyo yete komino na sisa sa personne à danger. Bana Congo bazo se la yo. Yakamba ya ya. Ah, yakamba mwe. Yakamba mwe. Si vous êtes frustré par ceux qui ne frustrent pas les autres, sachez il y a une vocation cachée derrière. Roland Daloloa, ta patriarche.